The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Relaxation. La détente. Relaxation. La relaxation. Stress. Le stress. Job. Le boulot. To need. Avoir besoin de. Massage. Le massage. Masseuse. La masseuse. To press. Appuyer. Relaxed. Détendu. Sauna. Le sauna. Mud bath. Le bain de boue. Jacuzzi. Le jacuzzi. Essential oil. L'huile essentielle. Turkish bath. Le hammam. To feel like. Avoir envie de. Now, a bit faster. Relaxed. Détendu. Massage. Le massage. Turkish bath. Le hammam. To need. Avoir besoin de. Masseuse. La masseuse. To press. Appuyer. Relaxation. La relaxation. Essential oil. L'huile essentielle. Stress. Le stress. Jacuzzi. Le jacuzzi. To feel like. Avoir envie de. Essential oil. L'huile essentielle. To feel like. Avoir envie de. Massage. Le massage. Relaxation. La détente. Essential oil. L'huile essentielle. Mud bath. Le bain de boue. Massage. Le massage. Essential oil. L'huile essentielle. Relaxation. La détente. Turkish bath. Le hammam. Relaxed. Détendu. Sauna. Le sauna. Mud bath. Le bain de boue. Essential oil. L'huile essentielle. Turkish bath. Le hammam. Relaxation. La détente. Stress. Le stress. To need. Avoir besoin de. Sauna. Le sauna. Now, use the words in context. Le boulot. I hate my job. Je déteste mon boulot. Avoir besoin de. I need a new pair of shoes. J'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Appuyer. To confirm, please press the pound key. Pour confirmer, appuyez sur la touche dièse. Détendu. I think he's too relaxed. Je le trouve un peu trop détendu. Avoir envie de. They want to buy a house in Spain. Ils ont envie d'acheter une maison en Espagne. Le boulot. I hate my job. Je déteste mon boulot. Avoir besoin de. I need a new pair of shoes.